Watch the sun go in my usage. Seigneur de mémoire, c'est ainsi entre nous. Plus de secrets, plus de mystères. Tout vous est dévoilé dans une prière. Seigneur de mémoire. Comme un miroir, on place tout. Plus de langage et plus de gestes. Tout est inerte comme les caresses. Seigneur de mémoire est un signe entre nous. Se fait comme un miroir. Non, pas à tout. Plus d'âme, parence, plus de grimoire. Tout est gravé au fond de vos mains. Avec des bouquets, tout se brise.